dico qu'on éprouve le désir ou le besoin pour m'évoquer dans un soupir, me lancer au loin. C'est de là qu'il me vient. Rien ne saurait me retenir, car c'est moi qui retiens. Je suis le charme, je suis le lien. Oh, dis non, je te ferai souffrir. Dis non, sais-tu ce qu'il advient? Ce qui veut être me tenir ou veut me rompre en vain. Je suis le charme, je suis le gain. J'ai fait plus d'un empire et j'ai pris soin que le mien s'exerce sans faiblir sur le cœur des humains. Mon nom, il me sert à rêver. Mon nom, c'est un pays lointain. Tu ne pourras en revenir, personne n'en revient. Je suis le charme, je suis le gain. Oh, je suis le charme, je suis le. Merci beaucoup.